Arjuna, de la lignée des Pandava, s'apprête à affronter ses cousins, de la lignée des Kaurava. Lorsque, tel Achille, au début de l'Iliade, qui est pris d'une colère noire, il décide lui aussi de se retirer du combat. À la différence d'Achille, il n'est pas en colère, mais il doute. Il doute tellement qu'il est pris de vertige, face à un dilemme moral qui signe l'entrée dans une nouvelle ère de questionnement. Que doit-il écouter ? Son devoir de guerrier, qui lui prescrit de tuer tous les membres de sa famille ? Ou bien le respect de sa parenté commune, qui doit le conduire à renoncer à son honneur militaire ? Dans les deux cas, il devra sacrifier ou son honneur ou sa famille, et renoncer soit à son honneur, soit à sa famille. Du sacrifice au renoncement, ainsi commence l'extraordinaire texte qu'est la Bhagavad Gita. Non. Kya hua Parth? Arjun, Arjun, tum vichlit kyu ho gaye? Batao Kunti Kumar, kya baat hai? Main ye yudh nahi lad sakta. Nahi lad sakta main. Arjuna dit « Voici, ô Krishna, que tous les hommes de ma parenté s'avancent, avides d'une lutte fratricide. À ce spectacle, mes membres défaillent, ma bouche se sèche. Mon corps frissonne et tous mes poils se dressent. Gandiva tombe de ma main et ma chair devient brûlante. Je ne puis demeurer en place, mon esprit se trouble, je n'envisage que présages funestes. Quel bien me promettrais-je à frapper les miens dans la bataille ? À pareil prix, je n'aspire, ô Krishna, ni à la victoire, ni à la royauté, ni au plaisir. En vérité, c'est un grand crime que nous allions commettre quand, par passion de la royauté et des plaisirs, nous nous apprêtions à frapper les nôtres. Combien ne vaudrait-il pas mieux pour moi être frappé sans défense, sans armes, par le glaive des amis de Dhritarashtra ? Bonjour Marc Balanfa. Bonjour Adèle Von Rhett. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. C'est un plaisir de vous y accueillir à nouveau. Vous êtes venu à plusieurs reprises à chaque fois nous parler des philosophies de l'Inde, des philosophies indiennes. Vous êtes professeur de philosophie honoraire en classe préparatoire. Vous avez traduit de nombreux textes sanskrits. Vous avez traduit notamment la Bhagavad Gita dont il est question cette semaine. On la trouve dans une édition en Garnier Flammarion avec une présentation aussi de votre plume. Et ça tombe bien parce qu'on va avoir besoin de vos lumières pour comprendre ce texte incroyable et très riche. J'ai dit qu'il commençait avec un dilemme de la part d'Arjuna. Est-ce que c'est une bonne manière de présenter le début de ce texte, ce dilemme moral ? Oui, c'est vrai, c'est un dilemme moral. Vous avez eu raison aussi de faire cette comparaison avec Achille, hein, au début de l'Iliade. Alors lui, il n'est pas pris de colère, il est pris de défaillance, enfin il est abattu. Il est totalement abattu, pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a une espèce de conflit des valeurs qui se posent à cette époque. Devant ses cousins, il se dit que s'il suit donc la loi de sa caste, la loi des guerriers, normalement il doit combattre ses cousins, hein, puisque c'est le devoir d'un guerrier de combattre. Mais s'il les combat, alors à ce moment-là, il met fin aussi à la lignée de ses cousins. Et d'un autre côté, s'il suit le devoir de sa famille, qui est de ne pas combattre et de protéger ses cousins, à ce moment-là, il n'honore plus sa caste de guerrier. Donc il est pris effectivement dans un dilemme. Il n'y a pas de solution. Apparemment, en tout cas. Justement, ce qui va être intéressant, c'est de voir que la Bhagavad Gita propose une solution. Alors qu'est-ce que ça veut dire Bhagavad Gita ? Alors ça signifie le chant du bienheureux. Littéralement le chant du bienheureux. Le bienheureux étant Krishna, dont on va parler beaucoup aujourd'hui. Personnage assez très complexe parce qu'il est à la fois donc un cousin aussi d'Arjuna, il est son cocher et il est aussi le dieu. Enfin, donc évidemment ça nous paraît totalement impossible. Par exemple dans l'Iliade, on a Athéna, elle est Athéna, elle voilà. Peut pas être autre chose qu'Athéna. Tandis que Krishna, lui, il va devenir peu à peu, quand on avance dans la lecture de la Gita, il va devenir effectivement le grand Dieu, le Dieu suprême. Mais au tout début, il n'est que le cousin et cocher d'Arjuna. Et en plus, le cocher, c'est intéressant parce que c'est une caste plutôt inférieure. Donc il est intéressant de voir qu'on va mettre dans la bouche de quelqu'un qui représente une caste inférieure un discours philosophique, un discours religieux. Ce qui va totalement contre, je dirais, la hiérarchie des castes, parce qu'il y avait déjà à cette époque une hiérarchie des castes. Alors, de quelle époque parle-t-on ? Alors, on pense, enfin, Personnellement, je le pense aussi, avec un certain nombre de chercheurs, que la Bhagavad Gita a été écrite au deuxième siècle avant notre ère. Donc à cette époque, les castes sont... alors on n'a pas de preuves d'attestation historique, mais on pense en tout cas qu'elles sont certainement en formation. Il n'y a pas encore une codification des castes, ça sera le texte qu'on appelle les lois de Manu, au début de l'ère chrétienne, de l'ère commune, mais elles sont certainement déjà là, puisqu'il y a ce dilemme, puisqu'on a déjà conscience qu'il y a des castes, par exemple les castes de guerriers, mais la caste du cocher est très certainement une caste inférieure, et ça c'est le premier intérêt du texte, de voir qu'un discours aussi important qu'est la Bhagavad Gita est mise dans la bouche de quelqu'un qui appartient à une caste très inférieure. Très inférieure en tout cas à celui à qui il adresse son discours. Et peut-on dire que c'est les résultats d'une intention ? Est-ce qu'on connaît l'auteur de ce texte ou est-ce que c'est comme l'Iliade, on présume que c'est Homère mais finalement on ne sait pas trop. Non, on ne connaît absolument pas l'auteur de ce texte. On pense même qu'il y a eu à la fois des brahmanes qui sont la classe supérieure à cette époque, la classe donc des lettrés, et probablement aussi des princes, des guerriers qui se sont mêlés à la rédaction. Il faut bien voir que la Bhagavad Gita donc, fait partie d'une immense épopée qu'on appelle le Mahabharata, qu'on connaît un peu en Occident grâce à Peter Brook, et qu'on pense aujourd'hui que ce Mahabharata a été composé sur à peu près 4 ou 5 siècles. Donc vous voyez, entre le 3e avant notre ère et le 3e après. Donc pendant 6 siècles, des gens ont composé et ont ajouté des histoires qui se sont enchâssées les unes dans les autres, comme le principe des poupées russes. Il y a eu probablement un récit initial, les chercheurs en parlent, et à partir de ce récit initial se sont greffés un certain nombre de récits annexes, et le nôtre, la Bhagavad Gita, apparaît donc au tiers de l'épopée, on est vraiment à la fin du premier tiers, au moment essentiel, c'est-à-dire au moment où la grande bataille entre les deux armées ennemies de cousins va avoir lieu. Et c'est au moment où elle doit avoir lieu qu'Arjuna est pris de défaillance. Alors aussi, moi j'ai toujours vraiment apprécié ce moment, parce que là aussi, d'une certaine manière, il n'honore pas sa caste de guerrier. Parce que normalement, un guerrier ne doit pas défaillir. Un guerrier doit faire preuve de bravoure, de courage, et certainement pas... Et d'ailleurs, il dit, on pourrait peut-être même m'accuser de faiblesse, d'une faiblesse presque féminine. Mais il dit, ben voilà, c'est ainsi, je ne peux pas tuer mes cousins, ce n'est pas possible. Je sens que c'est aller trop loin dans l'horreur. Ce qui fait qu'on se sent proche, finalement, de cet Arjuna qui, comme nous, doute et vacille. Absolument, on se sent très proche de lui, comme on se sent très proche d'Achille, qui est en colère, et on comprend pourquoi il est en colère. Et on aime, au fond, cette idée de quelqu'un qui se met un peu en marge avant d'entrer... Parce que, justement, Achille sera, justement, le grand guerrier de l'Iliade, comme Arjuna va devenir le grand guerrier des 5 Pandavas. Qui sont 5 frères. Oui, alors justement, pour essayer de même que pour comprendre le début de l'Iliade, il faut contextualiser la guerre de Troie, etc. Je vous propose qu'on écoute un très court résumé, enfin une mise en contexte de la Bhagavad Gita, située, donc vous l'avez dit, au premier tiers du Mahabharata. Ça nous permettra de mieux comprendre les personnages et d'en mesurer la portée philosophique avec vous ce matin, Marc Balanfa. Cette présentation est faite par Jean-Claude Carrière. Cette histoire commence par des origines mythologiques. La première extraordinaire cocasserie. Et qu'à un certain moment de son récit, Vyasa se trouve avec deux personnages qui restent, qui sont deux jeunes princesses, qui n'ont plus d'époux, car leurs deux époux de jeunes rois viennent de mourir. Alors Ganesha, le scribe, dit à Vyasa, « Mais tu nous annonçais que tu allais nous chanter le grand poème du monde, tu as commencé à peine depuis 10 minutes, il est déjà arrêté parce que tu n'as plus de personnages. » Et Vyasa est très embêté. Alors, il se trouve là une femme qui est Satyavati, qui fait également partie de la famille, qui se tourne vers l'auteur, car l'auteur est en train de parler avec ses personnages, et qui lui dit « Mon cher Vyasa, je ne vois que toi pour faire des enfants aux princesses. » Ça ne se passe pas très bien, car c'est un personnage qui a l'habitude de courir dans les bois, il est couvert de boue, il est sale, il sent mauvais, il n'a absolument rien de séduisant, et quand la première princesse le voit s'approcher de sa couche, elle ferme les yeux. Lui, qui est un personnage assez redoutable, lui dit « Bon, je vais te faire l'enfant, c'est entendu, mais comme tu as fermé les yeux en me voyant, ton fils naîtra aveugle. » Quant à la seconde princesse, Quand elle voit arriver Vyasa, elle garde bien les yeux ouverts, mais elle ne peut pas s'empêcher de blêmir à sa vue. Il le remarque et il lui dit « Tu auras un fils, toi aussi, mais il naîtra pâle et blanc, étrangement blanc, et on l'appellera Pandu, qui veut dire le pâle. » Donc, ces deux garçons naissent, l'aveugle s'appelle Dhritarashtra, il est le premier-né, donc il est le plus grand des deux rois, et l'autre s'appelle Pandu. Ces deux rois vont avoir, l'un et l'autre, des enfants. Et le Mahabharata, tout entier, va être l'histoire d'un immense conflit qui va se développer entre ces deux groupes de cousins. Les fils de Pandu, qu'on appelle les Pandava, qui sont cinq frères, et les fils de Dhritarashtra, qu'on appelle les Kaurava, et qui sont 100 frères. Ainsi commence donc cette histoire. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On parle de la Bhagavad Gita toute cette semaine et aujourd'hui en compagnie de Marc Balanfa. Est-ce que vous validez cette présentation faite par Jean-Claude Carrière? Oh bah oui, Jean-Claude Carrière connaissait très bien le Mahabharata. J'avais eu l'occasion de le rencontrer une fois, effectivement. Et en plus, c'était un amoureux de la culture indienne. Donc ouais. Il offre un très beau résumé, effectivement. En montrant toutes les résonances presque psychanalytiques qu'il y a derrière tout ça, hein. Un enfant va naître aveugle, l'autre va naître tout pâle. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça montre bien que d'une certaine manière, tous les êtres humains sont des cousins les uns des autres. Enfin, ouais. On pourrait dire que le Mahabharata, c'est aussi l'histoire de l'humanité. Parce que quand nous nous battons les uns avec les autres, pourtant nous sommes tous appartenant à l'espèce humaine, donc nous sommes tous d'une certaine manière cousins, et pourtant ça ne nous empêche pas depuis des milliers d'années de nous faire la guerre à droite à gauche, pour une chose qui est la même que dans le Mahabharata, c'est la terre au fond. Ouais. Quel est le grand objet de la guerre? C'est qui aura la terre? Et en plus, dans l'Inde, la terre, c'est pas n'importe quoi. La terre, elle est très féminisée, la terre. Hein, c'est Bhumi, c'est un nom féminin. Et elle est encore plus féminisée que ça, puisqu'elle est associée à la vache. Donc, la terre, c'est vraiment celle qui donne le lait, c'est celle qui apporte la nourriture, c'est celle qui apporte la richesse. Donc, c'est la femme. Au fond, tous les hommes se battent pour la femme terre, ou pour la terre femme. Et on peut dire que d'une certaine manière, ça résume effectivement l'histoire de l'humanité. Parce que nous nous battons, et aujourd'hui encore, pour des terres, pour des territoires, et pour rien d'autre que la terre. Pour la terre, et ça veut dire aussi que la bataille, le combat, est à l'origine même de l'humanité. Dans tous les textes fondateurs de notre humanité, on trouve des récits de bataille. Absolument. L'Iliade, le Mahabharata, les grandes sagas nordiques, par exemple, ce sont encore des batailles. Et on voit bien que dans le Mahabharata, en plus, cette guerre a une propriété particulière, c'est que c'est une guerre sacrifice. Il y a plusieurs fois, le composé apparaît. C'est une guerre qui va être l'occasion pour les deux camps d'offrir un certain nombre de sacrifices au fond. Parce que de demander à des hommes de se battre, qu'est-ce que c'est? Ben c'est leur demander de se sacrifier, effectivement. Et c'est pas un hasard aujourd'hui si, par exemple, en français, on utilise en permanence le registre du sacrifice quand on parle des guerres. Hein, effectivement, on demande à des gens de se sacrifier. Pour une cause, quelquefois, qui est vague, qui est incertaine, et quelquefois même qui est totalement inconnue des gens, des guerriers eux-mêmes. Comme on l'a vu, par exemple, au moment de la Première Guerre mondiale. Enfin bon, ils ne savaient même pas pourquoi ils se battaient. La Seconde, c'était différent. Là, c'était clair. Mais la Première, ils n'ont jamais su pourquoi ils devaient mourir. C'est le grand sacrifice. Donc voilà, donc des hommes qui sont tous issus, au fond, de l'espèce humaine, qui sont tous cousins, veulent tous la même chose, la terre mère, la terre femme, la terre sexualisée. Et pour cela, ils sont prêts à se sacrifier. Et à sacrifier leurs cousins. La question est, au nom de quoi ce sacrifice aura-t-il lieu? Est-ce que ce sera au nom du devoir de guerrier, leur caste de guerrier à laquelle ils doivent être fidèles? Ou bien justement, faut-il sacrifier ce devoir-là au nom du sens de la famille? Au fond, c'est le dilemme qui a ouvert cette émission, c'est le dilemme qui ouvre ce texte. Comment Krishna, qui est donc le cocher, celui qui conduit le char d'Arjuna, va-t-il conseiller Arjuna à ce moment-là? Il va lui conseiller en lui montrant qu'effectivement, il y a une troisième voie possible. Et cette troisième voie possible, c'est la voie du renoncement, dont on parlera un petit peu plus tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que tant que les hommes restent investis dans leurs actes, surtout lorsque ce sont des actes meurtriers, ils n'en retireront que des méfaits, ils n'en retireront que du mal, et qu'il faut absolument qu'ils arrivent à dépasser cet investissement presque pulsionnel, libidinal, dans les actes meurtriers qu'ils commettent pour arriver à une forme de renoncement. Alors il va le préciser, il va montrer que enfin il y a plusieurs types de renoncement. Peut-être qu'on allez-y, je vous en prie. Alors, on va entendre un texte dans un instant, mais d'abord aidez-nous à comprendre ce terme de renoncement. On pourrait dire qu'il y a deux niveaux dans le renoncement dans le Bhagavad Gita. Le premier niveau du renoncement, c'est précisément comprendre que le sacrifice, on ne le fait jamais en vain. Le sacrifice, quand on demande à quelqu'un de se sacrifier, c'est en principe pour quelque chose. Pour le ciel, par exemple, le mot ciel revient très souvent dans le Mahabharata, ou bien pour un idéal, ou bien pour simplement honorer son devoir de guerrier, mais toujours donc en vue d'un résultat. Or, ce que va lui montrer Krishna, c'est que c'est à cela même qu'il doit renoncer. Renoncer à se battre pour une cause. En fait, il doit se battre simplement parce que il ne peut pas faire autrement, parce que c'est son destin. Mais arrêtez de penser qu'il aurait un but à honorer dans son combat. En fait, il faut renoncer donc à investir des désirs dans les actes. Oui, c'est ça. Tant qu'on investit des désirs dans les actes, on en cherche des satisfactions. On leur recherche d'une satisfaction. Mais tant qu'on recherche une satisfaction, on ne peut pas renoncer, on ne peut pas être dans le renoncement. C'est-à-dire qu'on est nécessairement à la poursuite de cette satisfaction. Or, ce que va lui montrer Krishna, c'est que dans une guerre, on ne peut pas poursuivre une satisfaction. C'est complètement contradictoire. Il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de richesse à obtenir d'une guerre. Une guerre, c'est un sacrifice, un point, c'est tout. Donc, il faut cesser de chercher des satisfactions dans une guerre. C'est totalement contradictoire. Et pourtant, c'est ce que font les hommes depuis plus de 3000 ans. Ils essaient de justifier les guerres au nom d'une satisfaction qu'on appelle un idéal, qu'on appelle une cause. Or ça, au fond, c'est totalement contradictoire. Mais ça ne fonctionne. Il n'y a pas à justifier une guerre. Bah oui, mais alors dans ce cas, ce raisonnement ne fonctionne que dans une société faite de castes, où la caste des guerriers existe. Et si on appartient à cette caste de guerriers, alors on n'a pas à contester l'injonction à aller à la guerre. Si on n'a pas ce système-là, heureusement qu'on peut mettre en question le fait d'aller à la guerre. Oui, mais alors, en fait, ce qui va se passer en Occident, effectivement, on n'est pas dans le même système. Ce qui se passe en Occident, et à mon avis, qui est tout aussi peut-être dangereux, c'est qu'on a inventé le concept de guerre sainte. Ouais. Aussi bien du côté chrétien que du côté islamique, au moment des croisades. Or, je ne suis pas sûr qu'avec le concept de guerre sainte ou de guerre juste, au fond, on aille loin dans la voie de la juste façon de se battre. Vous voyez, se battre parce qu'on vous dit c'est très bien, tu honores ton Dieu, ou se battre parce qu'on te dit parce que tu n'as pas d'autre chose à faire et c'est ton devoir. Entre les deux, au fond, je ne choisis pas. Et je suis pas sûr que, au fond, l'une voie vaille mieux que l'autre. Alors on va essayer de comprendre ce que signifie que ce mot renoncement. On a toutes les missions pour le faire. Voici un extrait du troisième chant de la Bhagavad Gita. Elle se compose de 18 chants. Voici donc comment le Krishna, donc le dieu Krishna, qui je le rappelle conduit le char d'Arjuna, lui explique ce que signifie la notion même de renoncement. Et il ne suffit pas de ne pas agir pour renoncer. C'est justement là toute la subtilité. Il ne suffit pas à l'homme de se détourner des actes rituels pour accéder à la non-action. Ce n'est pas non plus par le renoncement absolu qu'il atteint cette perfection. En vérité, personne ne demeure fût-ce un instant sans agir, car chacun malgré lui est poussé à le faire sous l'effet des qualités que la nature a mises en lui. Se retenir d'agir à force de dompter ses sens, mais garder présent à l'esprit les objets sensibles, c'est tomber dans l'illusion et l'incohérence. Au contraire, pouvoir dompter ses sens par l'esprit, exercer ses autres facultés et faire de l'action même une ascèse, tout en faisant preuve de détachement, voilà qui est remarquable. Fais l'action qui s'impose. Elle est supérieure à l'inaction. Même le bon fonctionnement de ton corps ne pourrait se passer de ton action. Ce qui m'oppresse de jour en jour davantage, c'est l'appréhension de l'abrutissement intérieur. Je suis très touchée de ce que tu me souhaites, une côte de maille impénétrable aux balles, mais je n'ai pas la moindre crainte des balles et des obus. Je ne redoute que la grande solitude intérieure. J'ai peur de perdre ma foi dans l'humanité, en moi-même, au bien qui existe dans le monde. C'est affreux. Beaucoup, beaucoup plus dur que d'être exposé à toutes les intempéries, d'avoir à s'occuper soi-même de sa nourriture, de coucher dans une grange, tout cela est peu de chose. Il m'est beaucoup plus dur de supporter la brutalité des gens entre eux. On souffre certainement en voyant les blessés, les cadavres d'hommes et de chevaux qui gisent de tous côtés, mais cette impression douloureuse n'est de longtemps pas aussi forte ni aussi durable qu'on se le figurait avant la guerre. Comment est-il possible que je souffre davantage de mon propre isolement que de la vue de tant d'autres souffrances? Peux-tu me comprendre? Que me sert d'être épargné par les balles et les obus si je perds mon âme? France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Vous faisiez, Marc Balanfa, le parallèle entre la guerre décrite dans la Bhagavad Gita et la Première Guerre mondiale, hein, qui, dans laquelle beaucoup de soldats ne savaient pas pourquoi ils se battaient. J'ai lu un extrait d'une lettre de Poilu, le 14 octobre 1914. Il écrit à sa femme qui lui dit « Mais j'espère que tu as une côte de maille pour bien te protéger ». Il lui écrit « Mais oui, je pourrais très bien avoir une, mais c'est pas ça le souci. Ce qui me fait peur, c'est pas les balles, c'est pas les obus, c'est de perdre mon âme, c'est de perdre ce qui fait que je suis homme dans cette guerre. » Il est troublant de voir le lien qu'il y a entre ce témoignage et ce qu'on peut lire il y a deux siècles avant Jésus-Christ dans la Bhagavad Gita. Oui, moi, ce que je trouve très troublant, en fait, dans une guerre, en fait, bon, outre le fait que c'est un massacre, évidemment, horrible, et qu'on ne comprend pas après coup pourquoi, au fond, on a laissé des choses pareilles se produire. Mais pour moi, une guerre, comment dire, ce n'est pas un hasard si les deux textes fondateurs de l'Occident et de l'Inde sont des textes qui parlent de la guerre et qui partent de la guerre. L'Iliade, hein, pour l'Occident, le Mahabharata pour l'Inde. Parce qu'au fond, dans une guerre, il me semble que si on veut sortir de la guerre, et c'est ce que pense, et c'est ce que sans doute veut montrer la Bhagavad Gita, il faut être capable de renoncer à un certain nombre de choses. Et voilà. C'est là, effectivement, où le thème du renoncement est si important. Et là je voudrais revenir même sur le mot renoncer. Il est tout à fait, au fond, dommage que, pour beaucoup de locuteurs français, le verbe renoncer n'ait qu'un sens négatif. Or, je voudrais revenir, moi, au sens étymologique, c'est-à-dire nuntiare, le latin nuntiare qui signifie annoncer. Et en fait, renuntiare jusqu'au XIIe siècle, ça signifie, et renoncer jusqu'au XIIe siècle, ça signifie annoncer en retour. C'est-à-dire que, moi, je voudrais revenir au sens positif de renoncer. Renoncer, oui, à condition d'annoncer quelque chose en retour. Sinon, si c'est renoncer seulement pour renoncer, à ce moment-là, non. Pourquoi devrait-on justement renoncer à nos vies si ce n'est pas pour annoncer autre chose? Or, ce qui est intéressant dans la Bhagavad Gita, c'est qu'on sent bien qu'il y a ces deux sens. Il faut en un sens abandonner des choses, et un sacrifice, c'est un abandon. Je dois être prêt, par exemple, à abandonner ma vie, pourquoi pas, s'il le faut, mais à condition que cela annonce quelque chose en retour. Sinon, ça n'annonce rien, c'est un renoncement qui serait purement négatif et au fond qu'on pourrait trouver parfaitement inutile. Et ce sens positif, il me semble qu'en français aujourd'hui, on a tendance à l'oublier. Et même, je dirais même, prenez même le dictionnaire de l'Académie française. Le mot renonçant aujourd'hui, en 2021, n'a qu'un seul sens. Le substantif renonçant n'a qu'un seul sens, c'est le sens juridique. C'est-à-dire l'auteur d'une renonciation. C'est tout. Alors que depuis 60 ans, vous avez des dizaines et des dizaines de livres qui parlent des renonçants indiens. Eh bien, l'usage n'est toujours pas accepté par l'Académie française, puisque l'Académie française ne reconnaît pas que le substantif renonçant puisse désigner quelqu'un qui est l'auteur d'un renoncement. Or, pourtant, les renonçants indiens existent, il n'y a pas qu'en Inde qu'il y a des renonçants, mais je pense que c'est un renonçant indien. Le renonçant indien, c'est... le mot revient souvent dans le Bhagavad Gita, c'est justement celui qui va s'exercer au renoncement, qui va pratiquer le renoncement. Tel que j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qui va, par exemple, opposer le détachement à au désir, qui va opposer la libération au ciel, qui va opposer l'ascèse au sacrifice. Donc ce que veut montrer la Bhagavad Gita, c'est que le premier renoncement dont je parlais tout à l'heure, le premier renoncement de premier niveau, c'est sortir de cette idée que la guerre comme ça serait un immense sacrifice et qu'il faudrait l'accepter. Non, la Bhagavad Gita montre que on peut aller au-delà de ce sacrifice et chercher un enjeu positif dans la guerre qui serait se libérer d'un certain nombre de faux désirs, en particulier de ces faux désirs que les hommes ne cessent d'investir de manière pulsionnelle et agressive dans les guerres. Oui, mais est-ce que ça ne veut pas dire alors qu'il faille renoncer à son humanité ? S'il faut renoncer à ses désirs, à la satisfaction, à la recherche de sens, on renonce à tout. Alors, non, on devient des machines qui obéissent à des lois qui nous échappent. Mais non, on ne renonce pas à son humanité parce qu'il y a... Dans l'humanité, il y a un désir de libération. Et justement, la philosophie indienne, ça reprendra ce thème qui est juste esquissé par la Bhagavad Gita. L'homme, au fond, ne cesse aussi de nourrir en lui ce désir de se libérer de normes qui l'entravent ou de se libérer de justifications, au fond, qui ne sont pas de bonnes justifications, pour atteindre un autre niveau qui, je dirais là, le deuxième type de renoncement, qui sera développé par un grand philosophe qui s'appelle Shankara au 8e siècle, qui est renoncer à être même l'auteur des actes. Alors là, c'est un autre type de renoncement, c'est le renoncement philosophique, qui est certainement beaucoup plus exigeant que le premier, parce qu'il ne s'agit pas seulement de renoncer à vouloir justifier les actes que l'on fait, mais renoncer même à en être l'auteur. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'homme l'auteur des actes, c'est la nature, dit la Gita. C'est la nature, au fond, qui fait que les hommes s'opposent les uns aux autres. C'est des instincts naturels et présents en l'homme qui font que les hommes se font la guerre. Mais c'est complètement déresponsabilisant comme pensée. Alors, c'est déculpabilisant. Ça, c'est sûr. Mais voilà, moi, je me place d'un point de vue moral et vous, d'un point de vue plus psychologique ou psychanalytique, dans ce cas, ça justifie tout. C'est pas moi, c'est la nature. Il n'y a pas de moi d'ailleurs. Parce que je suis pas l'auteur, la notion de moi n'existe pas. Donc je ne fais qu'agir parce que je suis mu par des forces qui me déterminent. Le moi est une illusion, effectivement. La Gita le dit bien à un endroit. Hein, le moi est une illusion. Alors, ça, c'est le thème de. Ça, c'est le thème de la. Comment dire, du libre arbitre. Effectivement, dans la Gita, comme dans la philosophie indienne, on n'accepte pas cette idée qu'il y aurait un libre arbitre. Que l'homme aurait à choisir entre le bien ou le mal. Non. En fait, les choses sont. D'autres ont déjà choisi pour nous, d'une certaine manière. Donc, c'est pas aux guerriers de choisir le bien ou le mal, hein, puisque tout a déjà été fait en amont. Ce qui lui reste à lui, c'est de faire ce qu'il a à faire le mieux possible. Et le faire le mieux possible, c'est-à-dire surtout pas en s'investissant et en investissant des pulsions, mais en se détachant le plus possible. Mmh. Alors, dire que c'est la nature, c'est comme... lorsque j'abordais ce thème avec mes étudiants, je leur disais, c'est comme être sur une rivière. Quand on fait du canot sur une rivière, on est libre de rien. C'est la rivière qui nous porte. Mais pourtant, l'homme fait bien quelque chose, il rame. Et s'il ne ramait pas, son canot n'avancerait pas. C'est la même chose avec l'homme dans la nature. C'est la nature qui nous fait agir, mais l'homme... Et dans son canot c'est son corps, et à l'intérieur de ce corps, et ou dans ce corps, l'homme a un certain nombre d'actions à faire. Est-ce que c'est proche de ce qu'on en Occident on appelle le stoïcisme, savoir distinguer les choses qui dépendent de nous des choses qui ne dépendent pas de nous? Moi je le disais dans mon introduction à la Bhagavad Gita, effectivement, la grande philosophie, je pense qu'on peut mettre en parallèle avec la philosophie indienne, c'est le stoïcisme. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de passerelles, je crois, possibles entre le stoïcisme et la philosophie indienne. En particulier celle-ci, l'idée qu'il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, et que, effectivement, le libre arbitre, dans une situation de guerre, il n'a absolument jamais l'occasion de s'exprimer. Mmh. On ne demandera jamais à un guerrier son avis. On lui dit, tu dois te battre, un point, c'est tout. Mais ça veut dire, si je vous comprends bien, et si je comprends bien le texte à travers ce que vous dites, Marc Balanfa, que la guerre est inéluctable, que nous sommes de toute façon toujours en guerre? D'une certaine manière, si vous prenez ce que dit le philosophe Bruno Latour aujourd'hui, nous sommes dans l'ultime guerre, hein, dans la guerre pour la Terre elle-même, pour la planète Terre. Non, je dirais que si on veut pas être aussi pessimiste, on est peut-être, nous avons connu des périodes de paix, bien sûr, hein, mais globalement, dans l'histoire de l'humanité, les périodes de guerre ont sans doute l'emporte sur les périodes de paix. Mais la guerre est aussi, pourquoi est-ce que la guerre nous fascine et en même temps nous dérange et nous horrifie, c'est parce que effectivement c'est le moment des renoncements. C'est à quoi sommes-nous prêts à renoncer aujourd'hui? Je dirais que c'est en ce sens-là que la Gita est un texte actuel. Aujourd'hui, nous sommes dans une forme de guerre. Tout le monde utilise l'expression, vous voyez à quoi je pense. Mais une guerre, elle pose la question, à quoi sommes-nous prêts à renoncer pour sortir de cette guerre? Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, à quoi sommes-nous prêts à renoncer pour sortir de la pandémie? Pour sortir de cette confusion, je dirais, de la biodiversité qui est probablement à son origine. Alors vous faites référence au discours d'Emmanuel Macron, hein, qui a un an disait « nous sommes en guerre contre le virus ». Alors comment justement obtenir ce renoncement, et celui-ci serait-il un moyen de sortir de la guerre? Je ne sais pas si c'est cette guerre en particulier, parce que je ne sais pas si nous sommes en guerre justement. Voici un élément de réponse, donc toujours dans la Bhagavad Gita, cette fois-ci au chant 6. Il est présenté un moyen d'atteindre ce renoncement. Ce moyen, c'est l'ascèse, mais attention, l'ascèse n'est pas forcément le détachement. Écoutez. Quand l'esprit se calme, résorbé par la pratique de l'ascèse, qu'on ressent alors la joie de contempler par soi-même, et qu'on aperçoit par la pensée un bonheur sans égal, au-delà des sensations, si l'on s'y tient, on ne s'écarte pas du vrai. Quand on l'a trouvé, on juge que rien d'autre ne lui est supérieur. Aucun malheur, aussi funeste soit-il, ne peut ébranler celui qui s'y tient. Sache que cet état se nomme détachement, puisqu'il a pour but de rompre le lien avec la misère. C'est l'ascèse qu'il faut pratiquer avec persévérance, l'esprit mobilisé. Quand on s'est affranchi de tous les désirs qui naissent de l'imagination, tous sans exception, que l'esprit contrôle l'ensemble des sens, on s'installe peu à peu dans le calme, avec la ferme résolution de fixer son esprit sur soi et de ne penser à rien d'autre. Chaque fois que l'esprit se disperse, incapable de repos, instable, il faut le discipliner, le soumettre à soi. Un bonheur sans égal comble l'ascète à l'esprit apaisé. La passion s'est éteinte. Toute tâche s'en est allée. Il vit dans l'absolu. Alors si je lis ce texte avec mes yeux d'occidental, Marc Balanfa, j'y lis que la condition du bonheur, c'est l'extinction de la passion. Et je ne peux pas m'empêcher d'y voir une sorte de première mort, au fond. Renoncer à la passion, renoncer au désir, c'est certes renoncer à la misère et au malheur, mais c'est atteindre une sorte d'état qui, me semble-t-il, n'est presque plus de l'existence humaine. Ben ça, c'est un reproche que l'on fait aussi quelquefois aux stoïciens. Hein, tout à fait. Aux stoïciens romains. Hein, pour ne plus souffrir, il faut commencer à mourir. De l'époque romaine, oui, c'est ça. Alors, je dirais que là, vous avez raison, dans la mesure où on ne donnerait au verbe renoncer que le sens d'abandonner, de dire non au monde. Mais si l'on veut bien être attentif au sens plein dont je parlais tout à l'heure, ce sens positif de annoncer en retour, voilà, la question est de savoir à quoi suis-je prêt à renoncer pour obtenir quelque chose d'autre en retour. C'est toujours le thème au fond de la perte et du gain. Et ce qui me frappe beaucoup, par exemple, dans l'existence, c'est qu'il y a des gens qui ne sont prêts à renoncer à rien, en pensant qu'en renonçant à rien, ils auront tout. Or, en général, c'est exactement l'inverse qui se passe. Ceux qui sont prêts à renoncer à rien finissent par ne plus rien avoir. Au contraire, et ça c'est très paradoxal, ceux qui sont prêts à renoncer à quelque chose, c'est ceux-là, au fond, qui vont gagner. Donc je dirais que cette idée presque chinoise du Tao, presque taoïste, de cette dialectique entre le vide et le plein, entre perdre pour gagner. C'est un renoncement intéressé au fond. Voilà, si on ne veut pas perdre, on ne gagnera rien. Et donc on perd pour gagner. Et c'est en ce sens-là que pour moi c'est hautement positif. Mais évidemment, on n'est jamais sûr. Là vous avez probablement raison, on n'est jamais sûr au moment où on abandonne, au moment où l'on perd, ce que l'on gagnera exactement et combien on gagnera. On ne peut jamais le savoir à l'avance, sinon ce serait trop facile. Mais c'est une espèce de pari que l'on prend avec soi. Mais je suis fondamentalement convaincu, et ça je le vois, je dirais même dans la vie de tous les jours, cette tension entre le vide et le plein, entre perdre et gagner. Et les mystiques, eux par exemple, les mystiques ne cessent de parler de ce thème. Il faut perdre pour gagner. Il faut perdre quelque chose pour gagner le royaume de Dieu, ou bien pour gagner l'extase. Et je crois qu'on retrouve cette idée dans la Bhagavad Gita à travers le mot ascèse, donc, voilà, qui est la traduction du mot yoga. Ce mot tellement important que la Gita justement a fait connaître et a introduit dans la culture indienne, parce que au deuxième siècle avant notre ère, ce mot yoga était quasiment inexistant des textes. C'est la Gita qui l'a popularisé. Et donc ce mot yoga que j'ai traduit par ascèse, parce que c'était presque en hommage à Pierre Hadot, à l'ascésisme justement, qu'il a fait redécouvrir aux philosophes occidentaux, l'ascésisme des stoïciens, qui consiste effectivement à se discipliner, à obtenir la maîtrise de soi, ce que Ignace de Loyola traduira par les exercices spirituels. Il y a toute une filiation. Donc cette ascèse qu'on appelle le yoga doit permettre justement de donner tout son sens positif au renoncement. Parce qu'on renonce, pourquoi ? Au fond, pour être capable de se donner des lois à soi-même, pas des lois, des règles, je dirais, à soi-même, et donc, d'une certaine manière, pour être libre. Parce que celui qui renonce... On peut devenir libre, alors ? Au fond, se libérer, justement, de cette fausse idée qu'on appelle le libre-arbitre, pour être libre, mais en un sens pas, je dirais, définitif, en un sens dynamique. C'est la libération, pas la liberté. Voilà, c'est libre au sens de se libérer, de se libérer d'un certain nombre de choses. Et c'est celui qui renonce, au fond, qui est libre. Au contraire, celui qui ne refuse de renoncer, celui-là, au fond, se retrouve complètement piégé. Mais alors, sur le papier, d'accord, mais dans les faits, comment sait-on à quoi il faut renoncer ? Dans le cas de la Bhagavad Gita, qu'est-ce que Krishna conseille à Arjuna ? À quoi Arjuna en question doit-il renoncer et au nom de quoi ? Il doit renoncer à croire qu'on lui demande de se battre pour la richesse, ou pour la gloire, ou pour l'honneur. C'est pas pour ça qu'on lui demande de se battre. Parce qu'au fond, Krishna va lui dire, à un moment, il va lui dire, de toute façon, moi, je connais déjà l'issue de la guerre. Je sais déjà qui mourra, qui ne mourra pas. Tout ça, d'une certaine manière, a déjà été décidé par moi. Donc, ce qu'on lui demande, c'est simplement d'agir. Parce que c'est dans l'agir que l'homme se reconnaît. Tout à l'heure, vous parliez de cette crainte qui serait la perte de l'humanité. Ouais. Vous auriez raison, effectivement, s'il n'y avait pas ce thème de l'agir. Parce que pourquoi faut-il se discipliner ? Pourquoi faut-il pratiquer l'ascèse ? Pour, de façon ultime, être dans l'action et être pleinement dans l'action. Parce que l'action n'y échappe jamais, ça c'est ce que dit le texte. On est toujours dans l'action, même exactement. Quand on croit on ne pas agir, dans on l'action. Agit. On est nécessairement dans l'action. Et c'est là où est l'humanité de l'homme. L'homme est fait pour agir. Il y a une forme de téléologie, effectivement, sous-jacente au texte, qui n'est jamais explicitée, mais qui est bien là, effectivement. Il y a cette idée que l'homme est sur terre pour agir. Mais là où c'est parfaitement original, c'est que les Indiens pensent qu'il y a trois manières d'agir. On agit par sa parole, par son mental et par son corps. Alors que nous avons souvent quelquefois une vision un petit peu restreinte de l'agir. L'agir, c'est faire des choses avec son corps. Mais non, les Indiens disent on agit aussi par sa parole. La parole est un moyen d'agir, on le voit tous les jours. Et on agit surtout avec son mental. C'est peut-être même particulièrement, principalement avec son mental, que l'être humain se met dans l'action. Quelles sont les modalités de l'action, justement, surtout quand celle-ci doit avoir des fins belliqueuses, voire politiques ? C'est une question que s'est posée l'un des héritiers, l'un des grands lecteurs de la Bhagavad Gita qui est passé dans la postérité. Il s'agit de Gandhi. On vous appelle Mahatma, la grande âme. Par chance, ce genre de nouvelles ne pénètre que très lentement là où je vis. Messieurs, je vous ai demandé de venir chez M. Jinnah, qui a bien voulu nous recevoir, parce que j'ai eu l'occasion de lire la nouvelle législation. Et les textes sont, hélas, conformes aux rumeurs. Arrestation sans mandat et mise en prison systématique de toute personne possédant des documents dits séditieux. Et vos ouvrages, bien entendu, sont à l'index. Il n'y a qu'une réponse à cela. Action directe. Le terrorisme ne ferait que justifier leur répression. Moi aussi, j'ai lu les écrits de M. Gandhi, mais je préfère être gouverné par un terroriste indien que par un terroriste d'Oxford. Pour ce qui me concerne, il me semble que nous sommes au-delà du remède qu'on appelle la résistance passive. Si vous permettez, je n'ai pour ma part jamais préconisé la passivité. Notre résistance devra avoir une forme active et provocatrice. Et quelle résistance leur offrirez-vous ? La loi doit entrer en vigueur le 6 avril prochain. Je veux lancer un appel à la nation pour faire de ce jour un jour de prière et de jeûne national. Vous pensez à une grève générale ? Je pense à un jour de prière et de jeûne national. Il va de soi que tout serait paralysé. Aussi bien les cars, que les trains, que les fabriques, et aussi l'administration. Tout le pays s'arrêterait. 350 millions de personnes en prière. Mon Dieu, il y a de quoi les terrifier. Et voilà, résister par la prière et le jeûne. Alors l'action se situe en 1919, Gandhi s'entretient avec Nehru et Jinnah, et il cherche des moyens d'action justement pour essayer de lutter contre la colonisation. Est-ce que Gandhi propose cette journée de prière et de jeûne, c'est pas du tout de la passivité, c'est ce qu'il rétorque à l'un de ses interlocuteurs. Il dit non, au contraire, c'est une résistance qui n'est pas passive, mais qui est active et provocatrice, bien que non violente. On est au cœur ici de la spécificité du renoncement, Marc Balanfa. Absolument. Et en plus, Gandhi savait de quoi il parlait, parce que il avait lu très peu de temps avant, justement, il avait découvert la Bhagavad Gita. Et c'est en particulier dans la Bhagavad Gita qu'il a compris qu'il y avait cette possibilité-là. Cette possibilité, au fond, d'un agir très particulier que la Gita appelle le non-agir. Alors là, on est vraiment au sommet du paradoxe. Oui. C'est que le véritable agir, en fait, la Bhagavad Gita l'appelle le non-agir. C'est-à-dire agir dans le pur détachement. Et là aussi, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce poème. Parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Là aussi, on voit bien la différence entre des gens qui s'investissent tellement dans leurs actes, que si ça ne se passe pas exactement comme ils l'avaient prévu, cela les détruit en partie, les démolit ou que sais-je encore. Et des gens, au fond, qui agissent dans le total détachement et qui, malgré ce détachement, justement, ou peut-être grâce à ce détachement, arrivent parfaitement à aller jusqu'au bout de leur action, précisément parce qu'ils n'en attendent rien. Personnellement, parce qu'ils n'en attendent aucun bénéfice personnel. Or, c'est exactement ce que dit la Gita. Si tu n'attends aucun bénéfice personnel de l'action que tu entreprends, tu es quasiment sûr d'arriver au bout de cette action. Oui, le paradoxe ultime étant que pour atteindre ce détachement, il faut passer par beaucoup de contrôle et de discipline. C'est pas du lâcher prise. Ah non. C'est ça, c'est un contrôle ultime qui fait qu'on arrive à ne plus rien attendre des choses. Exactement. C'est la 16, c'est le yoga, effectivement. C'est par la 16, par la discipline de soi, qu'on peut arriver à ce parfait détachement. Mais je dirais que c'est quelque chose qu'on est capable de mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Ah oui, vous y arrivez ? Absolument, et dont on voit les effets. Mais vous savez, enseigner, qu'est-ce que c'est enseigner ? Qu'est-ce qu'on retire personnellement ? On retire strictement rien. Hein, et on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de considération pour les enseignants en France, pas particulièrement. Donc c'est pas pour soi qu'on le fait. Et on ne sait même pas ce que deviendra notre enseignement dans l'esprit, dans le mental de ceux à qui on le dispense. Donc on est dans une forme de détachement. Et ouais, il y a de la satisfaction, il y a sans doute de la passion, il y a quand même tous ces éléments-là. On ne fait pas ça pour la satisfaction. Je dirais que c'est un plus qui vient, mais on ne fait certainement pas ça pour cela. Donc c'est quoi ? C'est votre vocation ? On sera bien déçus, trop déçus. Mais donc vous situez par rapport à l'enseignement comme Arjuna par rapport à son métier de guerrier ? C'est une sorte de... Parfaitement. De caste ? Parfaitement. Ah oui ? Oui, parfaitement. J'avais l'impression de faire quelque chose pour lequel j'étais... assez bien fait, en tout cas je l'espère. En tout cas, j'avais un assez bon retour de ce point de vue-là, mais certainement pas pour que mes enseignants, que mes étudiants me disent « Ah monsieur, comme c'était bien, etc. » Au fond, peu importe. Après, de toute façon, on ne sait pas ce que deviendra notre parole dans l'esprit des autres. Et ça, après, ça leur appartient. Ça ne m'appartient plus à moi. Mais je crois que c'est ça, c'est très important cette idée de détachement. De même qu'aujourd'hui, par exemple, on voit que, sans revenir à l'actualité, même des gens qui se battent tous les jours dans les hôpitaux sont aussi dans un parfait détachement. Quelle satisfaction personnelle peuvent-ils obtenir ? On se demande, parce que vraiment, ils sont épuisés. Oui. Alors, là, je parle pas en particulier du personnel hospitalier, mais de manière générale, tous les métiers qui sont au service des autres, on pourrait vous rétorquer de manière plus cynique, mais peut-être plus réaliste, qu'il y a toujours une satisfaction narcissique, c'est qu'on se sent utile, on a envie de servir à quelque chose, qui justifie beaucoup d'efforts et de sacrifices. Oui, mais je ne suis pas certain que ça soit, la motivation ultime. Bien sûr qu'on se dit, c'est bien si, en plus, les gens me remercient, mais très souvent, on n'est pas remercié. Non, mais de servir à quelque chose. On préfère se sentir utile qu'inutile, quand même. Oui, mais ça, c'est l'agir. Effectivement, c'est par l'agir qu'on est utile. C'est pour ça que l'agir est au centre du poème. Si on n'agit pas... Parce qu'il faut voir aussi que ce poème répond à une menace, je crois, qui était le bouddhisme. Enfin, ça me permet d'en parler. Oui. Il y avait une menace, effectivement, et Madeleine Biardot, qui était une grande indianiste, a dit que le Mahabharata avait été sans doute composé pour répondre à la menace du bouddhisme. Parce que les bouddhistes disaient, enfin, il faut carrément renoncer à agir. Voilà, il faut renoncer aux actes sociaux, il faut renoncer aux actes rituels, il faut être en quête de la libération, et c'est pas un hasard, évidemment, si le bouddhisme a développé des communautés monastiques, qui étaient nourries par les laïcs, mais qui, elles, étaient complètement à l'écart de la société et qui ne voulait rien avoir à faire avec la société. Or, la Bhagavad Gita dit non, c'est pas ça le renoncement. C'est pas renoncer à agir, c'est pas renoncer aux actes. Non, c'est agir dans le détachement, ce qui est complètement différent. Vous voyez, donc il y avait cette menace qui était le bouddhisme et qui disait, bon allez, on renonce à tout ça, on renonce au sacrifice, on renonce au rituel, on renonce aux actes sociaux, parce que de toute façon, on est pris dans les passions, dans les désirs, etc. Et on rejoint la communauté des moines pour se libérer. Ça, c'est la grande menace à laquelle veut répondre la Bhagavad Gita en disant non, ça c'est un mauvais renoncement. C'est pas ça le vrai renoncement. Le vrai renoncement, c'est pratiquer l'ascèse pour arriver au non-agir. Il importe de comprendre que l'on peut agir, mal agir et ne pas agir. C'est dans l'acte que réside le mystère à saisir. Pouvoir accomplir un acte sans en être l'auteur et continuer d'agir tout en ne faisant rien, celui qui voit cela est, entre tous, capable de jugement. Il a intégré tous les aspects de l'acte. Les hommes instruits disent de lui qu'il a le savoir et que le feu de la connaissance a brûlé ses actes à la racine. En effet, aucune de ses initiatives ne révèle le moindre désir ni la moindre volonté. Depuis qu'il a cessé de s'attacher aux bénéfices des actes, il n'en dépend plus, et le contentement ne le quitte pas. Bien qu'il s'emploie à agir, en réalité, il ne fait absolument rien. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Marc Balanfa, y a-t-il une phrase qui résume mieux la philosophie de la Bhagavad Gita que celle-ci qu'on vient d'entendre ? Bien qu'il s'emploie à agir, en réalité, il ne fait absolument rien. Oui, ça, effectivement, c'est le grand paradoxe du non-agir. C'est bien ça. Hein. Là aussi, si vous me permettez une petite anecdote, quand on rencontre des gens, quelquefois ils vous disent « Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et moi, je dis « Mais moi, je fais rien, vous savez, bon, j'enseigne, quoi, c'est tout, mais qu'est-ce que c'est enseigner ? C'est presque ne rien faire. C'est agir sur le mental, mais d'une certaine manière, oui, je fais pas grand-chose. » Donc cette espèce d'ironie, évidemment, avec laquelle je répondais, je la retrouve aussi, là, dans ce passage, effectivement, qui vient d'être lu. C'est parce qu'on pourrait le prendre de façon très, très ironique. Bien qu'il s'emploie à agir, en réalité, il ne fait absolument c'est rien. C'est Oblomov, hein, sur son canapé, qui veut pas se lever. Exactement. Hein. Magnifique roman. De Goncharov. Absolument. Eh ben, mais pourtant, Oblomov n'est pas du côté de la Bhagavad Gita, parce que pour le coup, il n'agit vraiment pas, et il a peur, l'action le terrifie. Il renonce dans un sens qui ne semble pas positif. Il renonce sans rien donner en retour. Voilà, ben parce qu'Oblomov, en fait, n'a pas eu la chance de rencontrer un maître à penser. Voilà. Ah voilà, ben on y arrive quand même. Il aurait fallu peut-être qu'il rencontre Tolstoï. Bon, évidemment, ce n'était pas tout à fait la même époque. Je ne sais pas s'ils agissent. Imaginons, devant Tolstoï lui aurait dit, ben voilà, ben justement, j'ai lu la Bhagavad Gita, vous pourriez peut-être en tirer quelque chose. Voilà. Donc il faut un guide. Voilà, il faut aussi un guide. C'est-à-dire qu'il faut... en quelque sorte, une rencontre. Voilà. Ce sont aussi des rencontres qui sont décisives dans notre vie et qui font qu'on s'oriente dans une direction plutôt que dans une autre. Oblomov, Au fond, moi, j'aime beaucoup ce roman parce que on se dit à un moment, ah là, ça, quand il rencontre cette jeune fille là, Olga, Olga, qui est amoureuse de lui, dont il est amoureux aussi. Et non, même ça, en fait. Il renonce à sa passion pour Olga. Oui. Il a peur qu'elle s'éteigne. Oui. Donc il est dans l'autre renoncement. Et il se retrouve au fond avec sa vieille servante. C'est assez amusant. Mais voilà, ce qui lui a manqué, c'est l'apprentissage de la 16. Au fond, il ne sait pas comment s'y prendre avec lui-même. Il sent bien qu'il a quelque chose en lui, qu'une espèce d'horrible pesanteur. Chaque fois qu'il commence quelque chose immédiatement, ça le fatigue. Mais il ne sait pas, au fond, comment travailler sur lui-même. Peut-être qu'il lui aurait manqué soit la psychanalyse, soit la Bhagavad Gita. Mais c'est passionnant de prendre cet exemple parce que ça permet de poser la question, on terminera là-dessus, il nous reste à peine une minute, savoir si nous sommes tous égaux par rapport au renoncement. Oblomov le dit, il dit « le feu s'est éteint en moi ». Il ne se sent pas la possibilité d'être dans l'action telle qu'on l'attendrait. Est-ce qu'au fond, il suffit de vouloir être dans le renoncement, dans la 16, pour y parvenir, Marc Balanfa? Non. Alors là, effectivement, là vous avez parfaitement raison. La Gita dit bien aussi que ce n'est pas simplement une question de décision, c'est une question de pratique. Ouais. C'est-à-dire que c'est en pratiquant la 16, c'est en pratiquant le renoncement qu'on devient un renonçant. Et de même que c'est en pratiquant le non-agir qu'on entre vraiment dans le non-agir. Alors je dirais que c'est presque une réponse. Là, je dirais qu'on est plus du côté d'Aristote que de Platon. C'est vrai. On est du côté d'Aristote, c'est-à-dire c'est la pratique. C'est par la pratique qu'on se sort. Si on n'est pas dans la pratique, on n'arrive à rien. C'est en lisant la Bhagavad Gita qu'on comprend la Bhagavad Gita. Merci beaucoup Marc Balanfa de nous avoir parlé ce matin de ce texte. Ça donne très envie de s'y plonger. Allez-y, chers auditeurs, le texte est très court d'ailleurs. Il a 18 chants qui se lisent facilement et on en parle toute la semaine. On se retrouvera évidemment demain. On se quitte avec Krishna à qui on demande de ralentir. Slow down, Krishna, slow down. Your red Trans Am goes way too fast. Slow down, Krishna, slow down. Or your current life may be your last. Krishna is a holy man, an example to us all. It's curious the choice he made when he bought a car last fall. We send him out to buy a bus to carry us around. What a big surprise it was to hear that throaty sound. He drove up in a new Trans Am with windows tinted black. Seats like buckets, leather brassiere, but there is no room in back. No, there is no room in back. Oh, slow down, Krishna, slow down. Your red Trans Am goes way too fast. Slow down, Krishna, slow down. Or your current life may be your last. Et c'est The Bobs qui demande à Krishna de ralentir. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver, comme tous les jours, la chronique philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. Qui est David K. Lewis? C'est un métaphysicien américain qui portait une grande barbe à la Dostoïevski et qui est mort il y a maintenant 20 ans. Mon professeur de métaphysique d'alors, Frédéric Neff, venait de me le faire découvrir et d'entendre de la part de ce grand spécialiste de Leibniz que David K. Lewis était le plus grand métaphysicien depuis celui-ci. Il m'avait durablement impressionné. Si j'avais fait une thèse de philosophie, elle aurait porté sur l'œuvre de David K. Lewis. Le premier texte que j'ai jamais publié, c'était d'ailleurs une recension de son livre le plus important, De la pluralité des mondes pour la quinzaine littéraire. Car le système métaphysique de David Lewis repose sur le seul postulat que tous les mondes possibles existent. Là où Leibniz les avait limités à l'entendement divin, en réservant l'existence au meilleur d'entre eux, l'Alain Juppé de tous les mondes, David Lewis avait considéré, dans un acte fondateur génial, qu'il était beaucoup plus simple de les admettre tous. Mais pour bien mesurer l'importance de ce pas métaphysique décisif, il faut peut-être dire d'où vient David Lewis. Eh oui, j'allais vous le demander, d'où vient David Lewis ? du chant le plus abrasif, le plus occamien qui soit, celui où non seulement on philosophe avec un rasoir, mais où on se demande en plus qui rase les barbiers de ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. Je veux parler de la philosophie analytique, bien sûr, du nom de cette branche, de la philosophie qui prit au sérieux la logique ainsi que le tournant linguistique du second Wittgenstein et pour laquelle le penchant héroïco-heideggerien qu'avait pris la philosophie continentale, sa grande rivale, était particulièrement répugnant. David Lewis, pour résumer, se rattache à une tradition qui se méfie de la métaphysique et il s'y rattache de la façon la plus nette qui soit. C'est un élève de Quine, ce spécialiste de l'ontologie, obsédé par l'idée qu'il ne fallait jamais admettre plus d'entité que nécessaire. Mais alors comment passe-t-on de cette exigence à la théorie des mondes possibles ? Bien, c'est tout le génie de David Lewis. Admettre les mondes possibles, ce postulat ontologique un peu délirant par souci d'économie, rendre existantes ces entités immenses pour avoir, à la fin, le moins d'entités possibles. Admettre que les mondes possibles existent va lui permettre de lisser, sinon de résoudre, quantité de questions métaphysiques, de la question des universaux à celle de la causalité. Tout va être, dans ce nouveau théâtre métaphysique, un rien baroque déplié sous nos yeux. Et alors, quelles sont ces entités résiduelles auxquelles Lewis réduit tout ce qui existe ? Ben, il n'y en aura au final que deux. D'une part, des points d'espace-temps, de l'autre, le déploiement à travers la grille de tous les mondes possibles, de toutes leurs configurations. Pensons au tableau du jeu de Go, au plateau du jeu de Go. Il y aura autant d'univers qu'il y a de configurations possibles. Voilà notre monde, un univers parmi une quantité invraisemblable d'autres univers, un univers qui arbore seulement un certain type de configuration. Oui, mais alors ça donne un univers fixe où il n'y a pas de passage du temps. Ben justement, on peut en fait réduire le passage du temps, on réduit tout, on réduit le passage du temps à un saut d'une configuration à une autre. On reconnaît là la vieille critique de l'induction que faisait Hume. Non, il n'est jamais certain que le soleil se lèvera demain. Ce n'est pas parce que les plateaux étaient appareillés ainsi jusque-là qu'il est garanti que la série se prolonge. Les lois de la physique ne sont que le chemin parcouru jusque-là. Qui sait d'ailleurs si, vu d'une autre série de mondes, le nôtre ne paraîtrait pas désordonné, fantasque ou catastrophiquement miraculeux. Admettre que tous les mondes possibles existent, c'est être l'artificier d'un spectacle total, mais à l'immobilité vertigineuse. Et David Lewis serait donc cet artificier paradoxal. Autrement dit, un métaphysicien, une figure entreaperçue, souveraine et inquiétante de l'éternité. Eh bien, merci Aurélien Bélanger d'avoir répondu à cette question qui est David K. Lewis. On peut écouter, réécouter votre chronique en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier en compagnie de Manon Delasselle, Laure Blanqui, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda. Nicolas Berger a réalisé pour vous cette émission. À la prise de son aujourd'hui, c'était Ludovic Auger. À la lecture des textes, Bernard Gabet. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de la Bhagavad Gita. Nous serons en compagnie de Sylvia Dintino. On se demandera comment être libéré, cette fois-ci par Krishna, par la divinité. Vous verrez, c'est tout un programme tout aussi passionnant. On se retrouve donc demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie ou bien en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter les émissions de votre choix en direct ou bien en podcast, en téléchargement. Comme ça, vous les écoutez où vous voulez et quand vous voulez. On vous attend également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où on est ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture. France Culture, l'esprit d'ouverture.